À 16h, joyeux Noël à toutes et à tous. Vous écoutez France Culture et tout de suite, on prend le chemin des forêts dans la méthode scientifique. Notre invité aujourd'hui connaît l'ivresse des cimes, pas celle des hauts sommets, non, plutôt celle du sommet des arbres, d'où l'on peut observer et décrire la biodiversité dans toute sa richesse, sa complexité et peut-être aussi un peu sa paix. Ardent défenseur du monde végétal, explorateur, biologiste et botaniste aux méthodes novatrices, notre homme des bois garde pour la lenteur de la description et du dessin minutieux un goût profond, comme s'il s'agissait en faisant de la science de rendre hommage au temps. Et c'est avec cette conviction enracinée qu'il défend aujourd'hui les forêts menacées un peu partout à la surface du globe, à commencer par les forêts primaires dont il veut repeupler nos latitudes. Francis Allais, l'homme qui rêvait des arbres, c'est le grand entretien des cimes que nous vous proposons comme cadeau de Noël cette année. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Francis Allais. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner en ce jour de Noël. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier et vous êtes, je le disais, botaniste, biologiste et dendrologue. Vous avez écrit de nombreux... Dendrologue, excusez-moi. D'accord. Alors, botaniste, biologiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages de botanique, des ouvrages scientifiques, mais aussi des ouvrages militants pour la préservation des forêts. Vous avez également contribué à des films documentaires et des programmes de sauvegarde d'espaces végétaux. Nous nous entretiendrons tout au long de cette heure de cette passion qui est la vôtre pour le monde végétal, mais également de votre travaux scientifiques de botaniste. Et avant de nous avancer dans la forêt à vos côtés, Francis Allais, il est l'heure de retrouver, comme chaque jour, celle qui fait pousser les actualités scientifiques comme des herbes folles. Il s'agit bien évidemment de Natacha Triou et de son journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une vaste étude parue dans Nature, Ecology and Evolution. Le réchauffement climatique réduit la diversité des pollinisateurs. On connaît les effets des pesticides sur les abeilles, mais on mesure moins ceux du dérèglement climatique. Une équipe européenne a réuni la plus grande base de données sur 2000 espèces de pollinisateurs. Des abeilles, mais aussi les mouches, les papillons, les coléoptères. Les chercheurs ont regardé de plus près l'évolution des périodes de vol entre 1960 et 2016 dans 20 pays en Europe. Et ils ont comparé ces données avec celles des températures et des hausses des températures. On constate que ces insectes avancent leur date d'activité en moyenne de 6 jours. Ils volent plus tôt, début juillet plutôt que mi-juillet en France, et ils volent moins longtemps en moyenne. Au cours des 60 dernières années, leur activité s'est réduite. Cet article prouve que le réchauffement climatique est une menace de plus pour les espèces pollinisatrices. François Duchesne est doctorant au Musée d'Histoire Naturelle à Paris. Il est le principal auteur de cette étude. Pour l'instant, il y a une bonne nouvelle quand même dans cette histoire, c'est que les pollinisateurs ont avancé leur période d'activité à peu près de la même façon que les plantes ont avancé leur période de floraison. C'est-à-dire que les insectes vont toujours trouver des fleurs pour se nourrir et les fleurs vont toujours trouver des pollinisateurs pour disséminer leur pollen. Mais ce qui a changé surtout, les effets négatifs qu'on met en avant dans notre étude, ce sont que les pollinisateurs ne s'arrangent plus de la même façon le long de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont moins synchrones, ils volent moins ensemble, puisque les premiers pollinisateurs, ceux du début de la saison, ont beaucoup avancé leur phase de vol. Ceux de fin de saison ont moins avancé leur période de vol et ils volent moins longtemps, du coup ils sont moins ensemble. Et donc ça va diminuer la quantité de pollinisateurs disponibles à un instant donné pour les plants. C'est une baisse de la diversité des pollinisateurs disponibles, c'est-à-dire que par exemple, au 10 juillet en France, si on avait 1000 pollinisateurs qui étaient actifs à cette période-là il y a 100 ans, à l'heure actuelle, on n'en a plus que 900, donc on a une baisse. Par exemple, mi-juillet, de 10% de la diversité disponible pour les plantes. Et une crainte pour nous, c'est que la manière dont les communautés de pollinisateurs sont arrangées actuellement au long de la saison les rend plus sensibles aux extinctions. Or, on est dans une période de fort déclin des pollinisateurs. Et du coup, ça pourrait entraîner des effets qu'on appelle synergiques, donc qui viennent s'ajouter à d'autres effets négatifs qu'on observe déjà. Aujourd'hui, il y a un déclin des pollinisateurs qui est entraîné par bien d'autres facteurs. dégradation des habitats, pesticides, etc. Mais ce facteur climatique, il peut venir aggraver la situation en quelque sorte. Et on passe au bref. Le ministère de la Santé étend aux jeunes hommes la vaccination contre le papillomavirus. Et nous en parlions récemment lors de notre émission Papillomavirus à cause des garçons. Le HPV, ce virus sexuellement transmissible, est responsable de nombreux cancers, dont le cancer du col de l'utérus qui cause près de 1100 décès chaque année. Les adolescentes peuvent déjà être vaccinées, mais la couverture vaccinale reste trop faible pour endiguer l'épidémie. La vaccination des filles et des garçons est déjà pratiquée dans de nombreux pays européens, et ce n'est pas inutile de le rappeler, avec un vaccin fiable. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a donc donné son feu vert. La mise en place est prévue pour l'été 2020. Selon une prépublication sur Archive, une intelligence artificielle de Facebook peut désormais résoudre des problèmes mathématiques de niveau universitaire. Oui, et selon ce papier, en moins d'une seconde. Cette prépublication montre que les réseaux de neurones et que le deep learning appliqué aux maths peuvent être performants. Deux chercheurs du Facebook AI Research ont entraîné leur système d'IA sur des dizaines de millions de problèmes de calcul. Ils l'ont ensuite testé sur 500 problèmes mathématiques différents. L'IA était capable de trouver des solutions avec une précision de 98%. Elle a aussi été très performante pour résoudre des équations différentielles. Selon une étude parue dans Science, si les mots peuvent être traduits dans une autre langue, ce n'est pas forcément le cas pour les émotions. Et ce sont les conclusions de cette énorme étude sur le langage affectif humain. Le mot peur, par exemple, ne décrit pas nécessairement la même émotion en swahili, en vietnamien ou en portugais. Une équipe germano-américaine a réalisé la plus grande cartographie du vocabulaire affectif. Sur les 6000 langues parlées dans le monde, 2474 langues ont été examinées. L'étude montre que des évolutions sémantiques de l'émotion apparaissent dans 20 grandes familles linguistiques, et le papier fait aussi apparaître des universalismes. Par exemple, toutes les langues distinguent les émotions selon si elles sont agréables ou désagréables. Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences. Vous pouvez retrouver comme tous les jours les informations évoquées dans ce Journal des Sciences, mais aussi celles qui seront abordées dans l'heure qui vient en suivant notre fil Twitter @laméthodefc ou encore en vous rendant sur notre site franceculture.fr. Quel que soit votre métier, à un moment donné, vous allez vous demander si vous n'êtes pas en train de perdre votre temps et même si vous n'avez pas une activité pernicieuse. Vous pouvez être commerçant, archevêque, marin-pêcheur, musicien ou médecin. Tôt ou tard, vous avez l'impression de perdre votre temps. Il existe une seule exception. Si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous faites est bien. Voilà ce que vous disiez, Francis Allais, en 2017, dans La vie des arbres, paru chez Bayard. Alors, est-ce que vous continuez à planter des arbres ? Moi, j'arrête pas, bien sûr. Mmh. Oui, c'est une activité importante pour moi. En ce moment, c'est pas très bien, on va attendre le petit printemps. Est-ce que sur votre chemin, en vous rendant au studio, vous avez croisé des arbres ? Est-ce que vous avez pris le temps d'observer des arbres ce matin ? Ah, très bien, j'aime beaucoup. Là, ils ont pas de feuilles et on comprend beaucoup mieux comment ils sont construits. Qu'est-ce que vous observez dans ces cas-là ? Bah, ce qu'on appelle l'architecture, c'est ma spécialité, voilà. Vous l'évoquiez, aujourd'hui, on est en plein cœur de l'hiver. Alors, comment s'occupe un botaniste pendant l'hiver ? J'imagine que c'est triste pour un botaniste cette saison. Non. Justement pas. C'est le moment où je préfère dessiner les arbres. J'ai rien contre les feuilles, hein, mais enfin, quand elles sont là, on voit pas très bien l'architecture de la cime. Tandis qu'en hiver, on la voit très très bien. Qu'est-ce qui vous émerveille encore dans ces présences d'arbres qu'on relègue souvent un peu au second plan de nos paysages ? Excusez-moi, mais ça vous émerveille pas les arbres, je vous... Absolument, si, on partage cet émerveillement. Oui. Alors, je voudrais vous faire, pour commencer cette émission, écouter une petite archive d'une personne qui, je crois, compte pas mal pour vous. Ce qui me caractérise, c'est la curiosité inlassable. C'est une maladie épouvantable. C'est pour ça que j'ai touché à beaucoup de choses différentes et que je me fais mal voir de la classe scientifique, parce que je... Bien sûr, si on regarde la liste de mes publications, il y a de l'histoire, il y a de tout. Ça va des crustacés à l'homme. C'est pas ma faute. Des crustacés à l'homme, oui, probablement. Même en dehors des êtres vivants, les fossiles, la géologie, la structure de la Terre, etc. Et puis les plantes. J'ai beaucoup publié sur les plantes. Récemment, j'ai publié un catalogue critique de la flore d'un archipel qui se trouve entre Madère et les Canaries. Personne ne le connaît, ça s'appelle les îles Salvages. Francis Allais. On écoutait à l'instant la voix de Théodore Monod, qui est l'une de vos grandes inspirations. C'est vrai. Pourquoi Théodore Monod vous a tant inspiré? Bon, d'abord, c'était un ami de ma famille, et c'est quelqu'un que j'adorais. Voilà, il me manque beaucoup. Quelqu'un de très important. Tout ce qu'il disait était important. On l'entendait dire que ce qui le caractérise, c'est la curiosité. Qu'est-ce qui, dans votre démarche de scientifique et de botaniste, caractérise votre parcours? Attendez, si on n'a pas de curiosité, on peut être ni botaniste ni scientifique. Il faut vraiment de la curiosité pour se mettre dans ces métiers-là. Et qu'est-ce qui est le moteur de cette curiosité-là? Bonne question. C'est des impressions d'enfance. Et quand on est petit, on comprend pas. Et petit à petit, on arrive à comprendre. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. Et donc, la curiosité, elle a tendance à s'accroître. Comment vous rentrez, en tant que botaniste, dans une forêt? Comment on rentre dans ce monde-là qui, quand on n'est pas forcément familier avec ce genre d'environnement, peut avoir des aspects un peu hostiles, peut représenter une espèce de mur, un monde clos? Comment vous rentrez en tant que botaniste dans ces espaces? Si vous parlez des forêts tropicales, oui, c'est vrai que je vois des gens qui ne sont absolument pas intéressés et très rapidement ils ont peur. Mais ceux qui se sont préparés à cet affrontement avec la forêt, et c'est mon cas, eh bien c'est absolument passionnant. Darwin également, il poussait des cris de joie en voyant les forêts de la Mata Atlantica au Brésil. Non, c'est passionnant, mais il faut s'y mettre, voilà, il ne faut pas rester en dehors. Alors notre émission s'appelle la méthode scientifique. Quelle est votre méthode scientifique? Quelle méthode vous suivez pour aborder une forêt tropicale, notamment pour la comprendre, pour la décrire et pour l'étudier? Je ne crois pas que j'ai aucune méthode. Il faut être totalement opportuniste dans les observations et dans la curiosité. Parce que une méthode, ça ne va pas marcher. Vous tombez tout le temps sur des choses totalement imprévues. Donc il vaut mieux ne pas avoir de méthode, voilà. Vous faites comme les arbres, en fait, comme les plantes. Vous êtes opportuniste, vous vous adaptez, et en fonction de ça, vous vous développez. Bah, les êtres vivants, en général, font comme ça. Hein. Quand vous abordez une forêt tropicale, qui sont les milieux forestiers, qui sont vos milieux favoris, comment vous les dessinez? Quelle architecture vous mettez en place dans vos dessins? Comment vous arrivez à la décortiquer, alors que c'est un espace extrêmement touffu? Écoutez, je vois des milliers de choses chaque heure dans ces forêts. Je tiens à garder un souvenir de ça. Et sinon, ma mémoire suffit pas. Donc je dessine, voilà, je passe mon temps à dessiner. Et c'est pas des dessins artistiques, je suis pas du tout un artiste, mais ça me permet de garder en mémoire les choses que j'ai vues et de comparer ensuite une forêt et une autre. Voilà, c'est ça, si vous voulez, ma démarche, voilà. Mais le dessin a aussi quelque chose que n'a pas la photo, c'est le temps. La photo, c'est un instantané. Pour faire un dessin, ça prend du temps. Mais il faut prendre du temps. Attendez, les arbres, c'est très compliqué. C'est en trois dimensions. Vous êtes obligé de tourner autour. Et donc, il faut passer du temps. La photo, non, non. Bon, j'en fais aussi, mais un cinquantième de seconde pour un arbre, c'est pas du tout assez. On peut pas faire connaissance. Comment vous décririez votre métier de botaniste, qui est un métier, je crois, un petit peu en voie de disparition, entre guillemets? Non, je ne crois pas du tout. Alors, dites-moi. Non, alors, effectivement, en 91, si je ne me trompe pas, le gouvernement a supprimé les études de botanique à l'université en France. C'est dans ce sens-là que je posais la question. Et c'est curieux, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un intérêt du public en général envers les arbres et les plantes. Et maintenant, ces études-là nous manquent, parce qu'on n'est plus très nombreux comme botanistes. Les étudiants qui en ont les moyens, ils vont faire leurs études à l'étranger. Est-ce que la science a toujours entretenu un bon rapport avec les plantes, avec le monde végétal? La science, c'est beaucoup dire, non. Mais enfin, il y a toujours eu des recherches sur les plantes, oui, parce qu'elles nous sont tellement utiles qu'on ne peut pas se passer de les connaître. Ça peut être de la connaissance en elle-même, ou alors ça peut être de la pharmacie, de l'alimentation, voilà, le contrôle de l'écologie, etc. Vous savez, c'est fondamental, les plantes. On pourrait se passer des animaux, ça serait dommage, mais on pourrait s'en passer. On pourrait certainement pas se passer des plantes. On vivrait pas sans elles. Et pourtant, vous l'expliquez, vous le rappelez de temps en temps, il y a une forme de mépris pour les plantes qui vous hérissent, un mépris pour les plantes qui remonte à Aristote, c'est ça ? Aristote, oui, je lui en veux beaucoup, c'est mon ennemi personnel depuis longtemps. Quatre siècles avant Jésus-Christ, il a dit que les plantes n'étaient pas intéressantes, que c'était une forme de vie inférieure. Pourquoi il a dit ça ? Tout simplement parce qu'elles ne marchent pas et qu'elles ne parlent pas. Écoutez, il était philosophe, je juge pas son activité de philosophe, mais il aurait mieux fait de pas toucher à la botanique, parce qu'il a dit des choses qui restent encore dans la tête des gens 25 siècles après. Ah, j'en veux beaucoup à Aristote. Ouh, mais j'aurais sa peau, hein. Aujourd'hui, la botanique, sur quoi elle repose ? De quels outils vous disposez-vous en tant que botanique pour caractériser ce monde végétal foisonnant dont on découvre de nouvelles espèces en permanence ? Alors, on a un énorme appui, c'est l'informatique. Il faut reconnaître que c'est décisif. Des clés d'identification, maintenant, ça marche comme ça. Et on gagne beaucoup de temps. Et il vaut mieux parce que, comme vous le disiez, le nombre de plantes connues n'arrête pas d'augmenter. C'est de l'ordre de plusieurs centaines par an. Mmh. Voilà, donc il vaut mieux s'équiper comme il faut. Voilà. Quand on entre dans une forêt tropicale, il y a, je crois, deux mondes qui se côtoient, c'est le sous-bois et les canopées. Comment ces deux mondes-là s'articulent et comment vous les percevez et les décrivez ? Je ne dirais pas que c'est deux mondes. Je pense que le vrai visage de la forêt, celui qui reçoit la lumière et qui a toute la biodiversité, c'est la canopée. Quand vous êtes dans le sous-bois, bon, j'ai rien contre le sous-bois, c'est pas désagréable du tout, mais c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, c'est à la fois le pourrissoir, puisque tout ce qui meurt tombe là, et le germoir. Mais le vrai visage, c'est la canopée. Est-ce que le fait qu'on ait une méconnaissance assez généralisée, pas forcément profonde, mais des arbres et des végétaux, ça vient aussi du fait qu'on ne perçoit qu'une partie visible de ce qu'ils sont et de ce dont ils se composent. On n'a pas accès finalement à leurs racines, à leur profondeur. Oui, mais vous savez, je ne crois pas du tout que si on voyait les racines, ça serait tout d'un coup une formidable admiration de la part de tout le monde. C'est très austère, les racines. C'est passionnant, mais c'est pas d'accès facile et puis c'est pas très spécialement joli. Les parties aériennes sont plus belles. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture et nous sommes en compagnie tout au long de cette heure du botaniste et biologiste Francis Allais pour fêter Noël sous les arbres et sous tous les arbres. Et comme c'est Noël, Francis Allais, on a une petite question cadeau pour vous. Tendez bien l'oreille. Bonjour Francis. Eh bien oui, ça fait plus de 40 ans qu'on se côtoie depuis qu'on s'était rencontrés à l'université de Kuala Lumpur en Malaisie quand toi tu étais un grand professeur et moi un tout jeune étudiant en thèse de botanique tropicale à Paris. Alors, bien sûr, on est face à des choses un petit peu étranges. Par exemple, maintenant, plus les forêts disparaissent vite, on a l'impression, et plus le nombre d'espèces nouvelles se mettent à exploser dans les descriptions. Mais finalement, tous les autres aspects de la botanique, tout ce qui, moi, je considère comme l'éthologie végétale, qui avait fait l'objet de tant d'études au siècle passé, qui demande un renouvellement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit à ce point en désuétude. Donc tout ça, je crois, mériterait d'être étudié encore plus ou à nouveau. Mais je ne sais pas ce que tu en penses et si tu es d'accord. Allez, je t'embrasse et à tout bientôt. Est-ce que vous l'avez... de t'entendre. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. L'éthologie végétale n'a jamais aussi bien marché qu'actuellement. Il y a des résultats qui tombent régulièrement, mais de l'ordre de au moins un par mois, venant de laboratoires dans le monde entier et qui traitent d'éthologie végétale, le comportement des plantes. Ça progresse très très vite, au contraire. On écoutait à l'instant Patrick Blanc pour préciser. Alors, qui est Patrick Blanc et comment avez-vous collaboré avec lui ? Oh, je connais Patrick depuis très longtemps. On est très amis et on a des discussions botaniques absolument passionnantes. C'est l'homme avec qui j'aime le mieux discuter des plantes. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, hein, mais ça fait des discussions très fécondes. Vous avez été responsable de l'une des expéditions avec lesquelles vous êtes parti explorer les forêts avec Patrick Blanc. Cette expédition, c'est l'une personnellement des expéditions qui m'a le plus fait rêver, c'est celle du radeau des Cimes. En quoi consistait votre embarcation scientifique, ce radeau des Cimes-là? D'abord, on savait depuis quelques années, 2 ans, que la biodiversité animale était dans la canopée et pas du tout dans le sous-bois. Ça se comprend très bien. Le sous-bois, c'est sombre, donc il y a très peu de plantes. Et comme il y a très peu de plantes, il y a forcément très peu d'animaux. Tandis qu'en haut, 40, 50 mètres, 60 mètres au-dessus, c'est la pleine lumière, donc les plantes foisonnent. Et du coup, il y a une biodiversité animale gigantesque. Donc ça nous importait d'aller travailler là-haut. Est-ce que vous pourriez Il a fallu que je rencontre un pilote d'abord. Oui. Dany Cléier-Marel. Dany Cléier-Marel de Lyon. Et puis un architecte, Gilles Bersolt de Paris. Et tous les trois, on a concocté un radeau des Cimes, voilà, une grande plateforme qui est transportée sur les arbres par un dirigeable à air chaud. Ça a très très bien marché pendant 30 ans. Donc un peu à la façon d'explorateur de Jules Verne, vous vous posiez sur la jungle et vous l'étudiez. Je ne pense pas que Jules Verne ait fait ça. Mais vous avez hérité en tout cas d'une idée. Oui. Alors, au-delà, il fallait bien qu'on le fasse puisque c'était la dernière frontière de la biologie, indiscutablement. Oui. Dernière frontière, plus encore que les océans, selon vous? Ah ben bien entendu, c'est passionnant les océans, mais plus vous descendez, moins il y a tout de même de formes de vie. Tandis que sur la canopée, c'est vraiment l'endroit le plus vivant du monde. C'est l'endroit le plus vivant du monde où vous avez dû faire du coup et identifier un nombre considérable de nouvelles espèces de. Aussi bien animal que végétal. C'est pas mon métier, ça. Mm-hmm. Je m'occupe pas trop des nouvelles espèces. À vrai dire, une nouvelle espèce de plante, ça me gêne plutôt. Ah oui, pourquoi? Parce que je peux rien dire de la plante. Je peux pas en discuter avec des collègues à l'étranger puisque elle a pas de nom. Je peux pas la nommer. Donc ça bloque le dialogue. Non, je préfère les plantes bien connues ayant déjà un nom. C'est assez paradoxal, du coup, votre position, puisque en fait, quand on pense, alors c'est aussi un cliché, quand on pense au botaniste, on pense à la personne qui classifie, qui range, qui décrit. Ça, c'est vraiment un cliché, oui. Oui. Et vous situez plutôt du côté de la biologie, c'est ça? Ben, je pense comme Patrick Blanc, il vous dirait la même chose. Mm-hmm. On est très content qu'il y ait des collègues qui s'occupent de systématique, mais c'est pas notre boulot, voilà. Et pourquoi dans tout ça, dans ces travaux de recherche-là, vous avez privilégié comme espace de recherche et comme espace de travail la forêt tropicale? Ah, d'abord, j'ai une grande passion pour les régions tropicales. C'est là que je me sens bien. Pour moi, la bande tropicale de la Terre, c'est ce qu'il y a de plus important et de moins connu. Et donc, les tropiques m'ont toujours attiré. Bon, quant à la forêt, ben, c'est tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de vie. Et en tant que biologiste, c'est l'endroit qui m'attire. Et j'irai un peu plus loin. Quand je suis dans la forêt, je m'aperçois que c'est pas le sous-bois qui m'intéresse le plus parce qu'il y a une vie relativement modeste. Tandis que la canopée, alors là, il faut vraiment y aller si on veut voir la vie dans son déploiement maximum, optimum. D'où vous vient cette envie de grimper aux arbres? Ah, c'est pas une envie, c'est une réalité. Attendez, ça, c'est enraciné dans l'enfance. J'ai toujours grimpé aux arbres, moi. Et quand vous êtes là-haut? J'espère d'ailleurs que... Je regrette beaucoup, je vois des parents en ce moment qui supportent pas l'idée que leurs enfants grimpent aux arbres parce que c'est dangereux. Bah oui, c'est dangereux, bien sûr. Mais tout ce qui est amusant est dangereux. Si on les empêche de grimper, ça fera des gens qui n'ont pas l'habitude du danger et ça, c'est dangereux aussi. Quand vous êtes là-haut, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir l'esprit qui rêve avec vous quand je vous imagine là-haut. Comment on fait la part entre la rêverie et la science quand on est au sommet des arbres et comment on n'oublie pas de travailler personnellement? Ça me semble très compliqué. C'est pas nécessaire de séparer la rêverie de la science. Hein. Ça marche très bien ensemble. Quant au travail, eh bien, on est vraiment tellement entouré de choses étonnantes que les journées sont trop courtes. Voilà. Mais travailler n'est pas pénible quand on est dans un endroit comme ça. Ça serait ne rien faire qui serait, je crois, un poids. Et je crois aussi que entre la nuit et le jour, ce sont deux facettes complètement différentes, entre d'un point de vue sonore, d'un point de vue des odeurs. Ça, je souhaite vraiment à mes contemporains de pouvoir passer une nuit sur une canopée de forêt primaire équatoriale. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on ne peut pas oublier, parce que dès que le soleil avant même la nuit. Dès que le soleil baisse, vous avez un formidable concert de la faune. Et puis, une fois qu'il fait bien noir, vous constatez qu'il y a des parfums extraordinaires qui viennent de partout. On est entouré de fleurs. Dans la journée, ça sent pas trop. Mais la nuit, ça sent, parce que les pollinisateurs sont nocturnes, donc c'est le moment où les plantes relâchent leur nectar et leur parfum. Et puis, les odeurs également, et ajouter à ça des millions de lucioles et d'organismes lumineux qui passent partout, au-dessus de nous et au-dessous, qu'on voit au travers du filet. Non, c'est des nuits absolument irremplaçables. Donc on ne dort pas finalement quand on part en expédition avec vous, avec ce radeau des cimes. On peut dormir, mais c'est un petit peu dommage, je trouve. Où est-ce qu'on est, le radeau des cimes? Est-ce qu'il est encore en activité? Est-ce qu'il y a d'autres... Non, il est mort, il est cuit, complètement cuit. Il faut dire qu'on l'a fait travailler pendant très longtemps dans des environnements qui sont tout de même assez rudes. Hein. Mmh. Très forte chaleur, très fort bombardement en ultraviolet, et puis des épines, des pics, des bois morts, etc. Non, ils sont morts, voilà, ils ont... suffisamment travaillé. Est-ce qu'ils ont de potentiels héritiers? Est-ce que d'autres chercheurs reprennent le flambeau? Ah, alors, puisque vous me tendez la perche, je vais dire du mal des médias. Ah, allez-y. Parce que les médias ne s'intéressent plus du tout à ces travaux-là. Tout simplement parce qu'ils s'intéressaient aux appareils et pas du tout aux découvertes de biodiversité. Les appareils sont toujours les mêmes, donc très rapidement, la radio et la TV, ils se sont dit « bon, on connaît déjà, ça n'a aucun intérêt ». Ils n'ont pas réalisé que ce qui changeait, par contre, d'une opération sur une autre, c'était les découvertes en matière de plantes et d'animaux. Mais ça, je suis désolé, ça vous intéresse pas. Personnellement, donc, ça m'intéresse intéresse beaucoup. Ça vous intéresse pas. Je ne prends pas vous-même comme exemple, mais en gros, les médias ne s'intéressent plus à ça. Donc, du coup, les sponsors éventuels ne s'y intéressent plus. Ça, je me mets à leur place. Mm-hmm. Donc, du coup, on n'arrive plus à financer. Comment vous expliquez éventuellement ce désintérêt-là? Est-ce que les torts sont partagés ou est-ce qu'au contraire, il y a une espèce de fuite des savoirs, de fait qu'on s'en détourne? On s'en détourne parce que ce qui intéressait les médias, je m'en rappelle très très bien, c'était les appareils volants. C'était pas du tout nos découvertes relatives à la vie. Les appareils volants, ben, ils sont restés les mêmes à peu près. Donc voilà, les médias s'en détournent. Excusez-moi, ça m'arrive de temps en temps de prendre la mouche. Non, il n'y a aucun problème. C'est normal pour un botaniste qui est au contact de tous ces insectes au sommet. J'imagine que ça fait partie des choses logiques. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ourse. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Au pied de mon arbre, de Georges Brassens dans La méthode scientifique sur France Culture, puisque nous passons toute cette heure de Noël en compagnie du botaniste et biologiste Francis Allais. Francis Allais, la radio n'a pas l'image, alors je vous proposerais de nous aider et de nous emmener en voyage avec vous dans une forêt tropicale. On rentre avec vous, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous pourriez nous décrire et qu'est-ce qu'on pourrait entendre, voir, sentir? Alors, entendre, oui, ça y est, de la musique animale du matin au soir, surtout la nuit, mais enfin, ça n'arrête jamais. Voir, il y a énormément de choses à voir, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les arbres sont compliqués. Assez rapidement, vous vous apercevez que les jeunes arbres sont beaucoup plus simples que les vieux. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ça. Et je dois dire aussi qu'on voit très peu de fleurs. C'est pas qu'il en manque, mais elles sont dans la canopée très haut au-dessus de nous. Donc on peut pas les voir, et à moins de monter là-haut, on peut pas les cueillir. Il faut donc se débrouiller pour identifier les plantes à leur architecture. Et ça, les jeunes plantes sont les plus simples et les plus faciles à comprendre. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut goûter les choses, il faut se méfier un peu, mais il y a beaucoup de fruits intéressants et parfois délicieux, surtout dans les forêts asiatiques. Et voilà, on peut pas s'embêter, hein. C'est un espèce de feu d'artifice sensoriel très important. La science classique nous enjoignait de nous méfier un peu de nos sens. Moi, j'ai le langage exactement inverse. En forêt tropicale, il faut faire usage de tous nos sens. Et c'est dans cette mesure-là qu'on arrive un peu à comprendre. Mais ça reste épouvantablement compliqué, complexe, et je suis triste de devoir le dire, mais au bout de 50 ans, 60 ans dans ces forêts, eh bien, je me sens encore un peu perdu quand il s'agit d'identifier les arbres. Quelle est la première forêt que vous avez visitée, la première forêt tropicale que vous avez visitée? Côte d'Ivoire, la forêt du Banco, aux portes d'Abidjan. C'était il y a très longtemps, il y a 60 ans. Et il y avait une très belle forêt comme ça, juste aux portes de la ville. J'y suis retourné, il ne faudrait jamais faire ce genre de pèlerinage. J'y suis retourné, maintenant c'est des parkings et des supermarchés. On va parler un petit peu après, tout à l'heure, justement, du mal qui est fait aujourd'hui aux arbres et aux forêts un petit peu partout dans le monde. Quand vous parliez de cet espace de la forêt, de ce travail de description, vous évoquiez un concept, je crois que vous avez un peu développé, l'architecture végétale. Alors en quoi consiste cette architecture végétale et comment on peut la définir? Bon, je vais prendre quelques exemples. Vous voyez un sapin, je crois que tout le monde voit un sapin. Aujourd'hui surtout. Ouais, et bon, il y a un tronc vertical et des branches horizontales. Voilà, ça fait un modèle architectural. Maintenant, si vous regardez un peuplier, il y a le tronc vertical, mais les branches sont également verticales. C'est différent, c'est un autre modèle architectural. Prenons-en un troisième, un palmier, il n'y a pas de branches du tout. Voilà, ben vous en avez trois déjà des modèles architecturaux. Au total, il n'y en a pas énormément, il y en a 24. Pour l'instant, il y en a 24. Ça veut dire que les arbres de cette planète sont priés de s'adapter à l'un ou l'autre de ces modèles. Et évidemment, il y a certainement des modèles nouveaux que nous ne connaissons pas, mais sûrement pas beaucoup. Voilà, disons 24 pour l'instant. Et quelle est cette fonction justement de concept? Quelle est l'utilité de ce concept-là dans votre travail de botaniste au quotidien? Eh bien, comme je le disais, là, ça me permet de reconnaître les arbres. On nous avait appris à l'université qu'il fallait les fleurs pour identifier les arbres. Bon, j'arrive en forêt équatoriale, je vois pas de fleurs. Comme je l'ai dit, il y en a, mais elles sont trop hautes. Ou alors on trouve des petits fragments sur le sol qui ont été, voilà, des fleurs qui ont été mangées par des perroquets ou par des singes. Et je sais même pas de quel arbre elles tombent. Donc, je ne peux pas identifier les arbres sur la base des fleurs et des fruits. Il faut donc trouver une autre solution. La solution, c'est l'architecture. Dans le travail de description des végétaux, il y a aussi tout un travail de description, vous l'évoquiez tout à l'heure, de génétique. Vous avez mis, vous, en évidence le polymorphisme génétique au sein d'un seul et même arbre. Alors comment on explique ce polymorphisme-là au sein d'une même espèce et au sein d'un même arbre ? Ben écoutez, il ne faut pas prendre le modèle animal si on veut comprendre les plantes. Le modèle animal ou humain, eh bien, c'est un génome, un seul, dans tout l'organisme et pendant toute la durée de la vie. On était parti sur l'idée que c'était pareil pour les arbres. Il faut abandonner ça. Les arbres, ils subissent des mutations, comme vous et moi d'ailleurs. Simplement, ça ne tue pas les cellules concernées. Donc à la longue, ça fait des lignées mutées, et donc des branches mutées. Les arboriculteurs connaissent ça très bien. Ceux qui dominent la biologie de leurs arbres, de temps en temps, ils remarquent une branche qui est pas comme les autres. Mmh. Une branche avec des fruits plus gros ou plus petits, enfin différents. Ou bien une branche avec des feuilles noires ou oranges ou rouges. Bon, ça, c'est des mutants. Et la plante, elle garde soigneusement ces mutants. Pourquoi ? Parce qu'elle en a besoin en cas de changement climatique. Ça va être difficile de démontrer la véracité d'une chose comme ça, mais un très vieil arbre, il a subi plusieurs changements climatiques au cours de son existence. Donc on peut dire que pour lui, c'est un peu de la routine. Le changement climatique actuel, moi je m'en fais pas du tout pour les arbres, parce que justement, ils ont de la diversité dans leur propre couronne. Mais nous qui n'avons pas de diversité, c'est pour nous que je me fais du souci. L'être humain est beaucoup plus visé par le réchauffement que ne le sont les arbres. Ça fait partie de cette capacité que vous qualifiez de résilience des arbres. Alors, quelles sont les grandes capacités, les grandes qualités, entre guillemets, des arbres qui vous fascinent le plus et que vous admirez le plus ? Je crois que c'est la résilience, justement. Mmh. Vous coupez un être humain en deux, parties égales, c'est fini pour lui. Vous coupez un arbre en deux parties égales, ça fait deux arbres. Les gens d'ici le savent très bien, on peut multiplier des arbres utiles de cette façon, par bouturage. Donc on peut faire, à partir d'un arbre, on peut en faire des millions, tous vivants et tous rentables. Et donc, c'est pas indivisible, donc c'est pas des individus, c'est des colonies, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qualités ? Je réponds à votre question, oui, mais ça fait partie de l'architecture aussi. On a montré que les arbres, la plupart des arbres, pas tous, mais la plupart sont des colonies, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, entre guillemets, des arbres que vous admirez particulièrement et que vous pourriez nous décrire ? Alors, la possibilité qu'ils ont de stocker les polluants, de nous en débarrasser, à commencer par le plus fréquent d'entre eux, qui est le dioxyde de carbone. Heureusement qu'il y a des arbres. Quand vous vous promenez en forêt, vous avez un air totalement dépourvu de toute pollution, parce que les arbres sont là pour mettre la main et stocker les polluants. Ça, c'est une propriété dont on ne tire pas assez parti actuellement, et ça va devenir essentiel. Dans les autres capacités des arbres qu'on commence à évoquer depuis quelques années, il y en a une qui fait un petit peu débat, mais on va en parler, c'est cette idée d'intelligence des arbres et de capacité à communiquer des arbres. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire ? De quoi on parle quand on parle d'ailleurs d'intelligence des arbres ? Intelligence, on n'est pas obligé de se rallier à ce terme-là. Mmh. Il ne faut pas croire que c'est copier-coller par rapport à l'intelligence humaine, ça n'a rien à voir. C'est l'intelligence des arbres, ce n'est pas la nôtre. Oui. Bon, ceci étant, moi j'ai mis longtemps à m'adapter à ce terme d'intelligence, et maintenant je l'ai adopté parce qu'on a tellement de cas et de démonstrations qu'on peut difficilement éviter de considérer les arbres comme intelligents. La communication est un bon exemple, c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Quel exemple alors vous pourriez donner de communication entre les arbres ? Bah écoutez, apparemment, les arbres communiquent. C'est clair. Ils communiquent de nombreuses façons, beaucoup plus que nous, parce que nous, c'est la parole, tandis que eux, c'est soit par le dégagement de molécules volatiles, donc une communication aérienne, soit par le contact avec les champignons du sol, donc une communication souterraine. Oh, je crois que la communication entre les arbres, maintenant, plus personne ne le discute, c'est admis, complètement admis. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret, par exemple, d'une espèce d'arbre qui communique sous nos latitudes, par exemple ? Facile. On a un peu trop abusé du Douglas. Je pense le notamment pain, le sapin de Douglas, oui. Mm-hmm. Bon, on a des plantations, c'est pas des forêts, hein, c'est des plantations de Douglas. Mais quoi qu'il en soit, s'il y en a un qui est coupé au ras du sol d'un coup de scie parce qu'il a atteint un âge où on peut faire du bois commercialisable, eh bien la souche ne meurt pas. C'est très étonnant, puisqu'elle a plus de feuilles, on ne voit pas d'où lui vient l'énergie de rester vivante. En réalité, l'énergie lui est fournie par ses voisins, par l'intermédiaire de soudures racinaires. Donc dans un premier temps, c'est les voisins qui l'aident à ne pas mourir. Du coup, cette souche ne meurt pas, ses racines restent vivantes, et dans un deuxième temps, la souche en question va alimenter en eau ceux qui l'ont aidée. Donc c'est une espèce de dialogue, c'est un peu plus qu'une communication, c'est une communication dans les deux sens. Une communication solidaire. Je crois qu'il y a aussi les cyprès qui communiquent, certains cyprès, notamment sur les côtes espagnoles. Les cas de communication entre les arbres, maintenant, ça devient extrêmement riche et difficile à résumer. Un mot sur les cyprès. Ça, c'est les collègues espagnols de la région de Valencia. Ils ont remarqué que quand il y a des feux de forêt, comme on a les mêmes ici, hein, les forêts méditerranéennes, elles brûlent, hélas, eh bien, les cyprès ne brûlent pas. Ils se sont intéressés à ce problème-là et ils se sont aperçus que quand le feu approche, la température du cyprès augmente et à 60 degrés, si je ne me trompe pas, l'arbre envoie dans l'atmosphère toutes ses molécules inflammables. Des alcools, des terpènes, des toluènes, des hydrocarbures, etc. Tout part dans l'atmosphère. Bon, c'est clair que quand le feu arrive, ce cyprès ne va pas brûler. Il se comporte comme un sac plein d'eau, voilà. Mais l'intéressant, c'est que les molécules volatiles en question, elles descendent le vent et elles atteignent des cyprès qui sont encore très loin du feu et dont la température n'a pas augmenté. Ils dégazent à leur tour. Donc quand le feu va arriver sur eux, ben, ils brûleront pas. Voilà. Donc les cyprès, c'est devenu un cas très classique de communication entre les plantes et ça les met à l'abri. C'est une communication importante qui est vitale, vous voyez. D'ailleurs, toutes les communications dont on a la preuve entre les plantes, c'est jamais des paroles futiles, c'est toujours pour leur sauver la vie. Là, avec cet exemple des cyprès, on est confronté à une capacité des arbres à anticiper et donc du coup à garder en mémoire certaines choses. Oui, c'est vrai. Je voudrais essayer, malgré qu'il n'y ait pas d'image, de vous expliquer une expérience dont j'ai été témoin en Grande-Bretagne il y a 2 ans. Allez-y. Vous prenez une passiflore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une liane avec des fleurs merveilleuses qui grimpent avec des vrilles comme une vigne. Vous donnez à une jeune passiflore un tuteur en bambou. Bon, elle perçoit la présence du tuteur, elle envoie une vrille vers le tuteur. Et juste avant que sa vrille ne touche le tuteur, vous déplacez ce dernier de 5 cm sur la droite. Bon, c'est fini pour cette vrille-là, mais la plante ne se décourage pas, elle envoie une autre vrille, et juste avant que ça touche, vous déplacez encore une fois le tuteur de 5 cm vers la droite. Elle ne doit pas vous bénir, hein. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de communication entre la plante et l'homme à ce moment-là. Vous faites ça 4 ou 5 fois, et vous avez la surprise de voir que le coup d'après, elle vise 5 cm à droite. Et là, ça veut dire qu'elle a compris. Pourquoi, quand on est confronté à ce genre de preuves d'intelligence des plantes, l'idée d'intelligence des plantes fait encore débat? Qu'est-ce qui est au cœur de ce débat aujourd'hui et qui est critiqué par pas mal de scientifiques? Oui, écoutez, je peux parler de mon cas personnel. Ça m'a gêné d'appeler ça intelligence, oui. Tout simplement parce que j'allais dans un dictionnaire vérifier ce que signifiait le mot intelligence, et je m'aperçois qu'il faut un cerveau. Il faut pouvoir se déplacer et il faut un langage sonore. Donc évidemment, cette définition, elle est faite pour l'être humain. Donc je me suis dit, les plantes, elles peuvent pas être intelligentes puisqu'elles n'ont pas tout ça. Je dois beaucoup à un collègue, Jérémy Narby, qui m'a dit, attention, n'oublie pas que c'est un être humain qui a rédigé la définition qui est dans le dictionnaire. Donc il est jugé parti. Donc c'est très très dangereux sur le plan juridique, ça. Alors je lui ai dit, Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il m'a dit, faut réécrire une autre définition de l'intelligence qui ne chasse pas l'être humain parce qu'il y a sa place, mais qui soit plus large et qui permette d'y introduire les plantes et beaucoup d'animaux. Donc voilà, on a fait une définition. Je vous la résume. Est intelligent tout être vivant qui est capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence. ça repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qu'on a appris pour pouvoir le réutiliser dans la suite. Bon, voilà une définition de l'intelligence qui accepte beaucoup plus d'être vivant que simplement l'être humain. On parlait à l'instant d'intelligence des plantes et de découvertes autour de cette intelligence des plantes. J'aimerais qu'on parle à présent d'un autre type de découverte. On apprenait il y a quelques jours qu'une forêt primaire dans l'État de New York venait de détrôner la plus ancienne forêt primaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-moi. Il y a peut-être des très vieux arbres, mais il n'y a certainement pas la grande faune américaine. Alors, pour une forêt, c'est équitablement la faune et la flore. Comment on décrit, comment on définit une forêt primaire et pourquoi ces forêts primaires font l'objet aujourd'hui de l'un de vos combats les plus forts? On va y revenir. Ah, pour moi, c'est irremplaçable. D'abord, c'est le sommet de la biodiversité dans une région donnée. Si vous avez une forêt primaire, c'est là qu'il y aura le plus d'êtres vivants. En outre, c'est le maximum de dépollution. Et je rajouterai un aspect auquel je suis extrêmement sensible. La forêt primaire, c'est le maximum d'esthétique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Ah, laissez-moi vous raconter une comparaison que je dois à l'un de mes étudiants. La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un grand champagne millésimé, servi frappé dans une haute flûte de cristal, est un coca tiède dans un gobelet en carton. C'est très clair. N'est-ce pas? Mais attendez, il y en a une autre qui est due à un Américain, James Balog. Il dit « La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. » Aujourd'hui, ces forêts primaires, elles sont menacées partout dans le monde, elles disparaissent rapidement. Il n'y en a presque plus. En octobre dernier, vous signez une tribune intitulée dans Le Monde, intitulée « Il y a urgence à reconstruire de grandes forêts primaires ». Alors comment vous comptez vous y prendre et qu'est-ce que vous proposez aux gouvernants pour réintroduire, recréer des forêts primaires sous nos latitudes? Attention, encore une fois, une forêt primaire, c'est à la fois la faune et la flore. Et c'est pour ça que le site doit être très grand. Oui. 60 000 hectares, je pense que 70 000 hectares, ça serait mieux. C'est la surface de la forêt primaire de Wielobieża en Pologne, qui est malheureusement très menacée. Voilà, donc il faudrait mettre en défend et en libre évolution une surface comme celle-là. Est-ce qu'on en est capable? Je voudrais simplement rappeler que ce qu'on appelle la forêt des Landes, qui n'est pas une forêt puisque c'est une plantation de pins, c'est 1 million d'hectares. Alors si on a été capable de planter 1 million d'hectares, moi, je pose la question, est-ce que l'être humain est capable de foutre la paix complètement à 60 à 70 000 hectares? J'espère. Je crois que dans ce projet, il y a une mesure de la qualité de l'être humain. En quoi? En quoi il y a une mesure de la qualité de l'être humain? En la possibilité de suivre de façon transgénérationnelle. Parce que là, sait faire ça, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Là, dans ce projet de sanctuariser un espace de 60 à 70 000 hectares Parlez pas de sanctuaire, s'il vous plaît. J'aime pas les sanctuaires. Ça n'a rien à voir avec un sanctuaire. C'est simplement qu'on lui foute la paix, c'est tout. Et qu'on lui foute la paix pendant très longtemps. Oui, c'est ça. Oui. Combien de temps à peu près pour qu'une forêt primaire redevienne une... Voilà. Alors, ça dépend. On va pas choisir des... On espère avoir des forêts qui auront déjà 100 ou 200 ans. On devrait pouvoir trouver ça. Voilà. Parce que le total, depuis le sol nu jusqu'à la forêt primaire à nos latitudes, il faut compter 1000 ans. C'est pas notre faute, hein. C'est le temps qu'il faut pour reconstituer une forêt primaire. Et personne n'est capable d'accélérer ça. Donc si on veut revenir à ces formes de végétation, ben, il faut de la patience et de la suite dans les idées. C'est là que je pense qu'il y a un véritable test de la qualité de l'être humain. En 2011, dans votre livre « Du bon usage des arbres », sous-titré « Un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques » paru chez Actes Sud, vous vouliez inscrire les deux articles suivants dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous cite. « Considérant que sans les arbres, nous ne pouvons exercer pleinement notre condition humaine et que leur compagnie est un droit humain fondamental, nul ne sera tenu éloigné de la vue des arbres ni privé de leur présence. Par ailleurs, tous les humains étant égaux devant les arbres, nul ne s'arrogera unilatéralement le droit de les maltraiter ni de les détruire. Utiliser les arbres peut être légitime, mais cette utilisation doit reposer sur un large consensus. Collectivement, l'attitude de notre société vis-à-vis des arbres sera régie par ces deux maîtres mots, compréhension et respect. Est-ce que vous pensez... Ça me convient ? Oui, c'est vous qui l'avez écrit. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel de votre demande peut être entendue ? Ah non, actuellement pas du tout. Non, non, c'est pire que jamais. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on en revienne à des principes plus sains. Mais enfin, j'enfonce des portes ouvertes, là. C'est clair que ce qui se passe en Australie et en Amazonie en ce moment, c'est exactement l'inverse. On brûle les arbres, on détruit les forêts. On va le payer un jour, c'est clair. Comment on est aujourd'hui en capacité, quand on est scientifique, d'être entendu par les politiques ? Qu'est-ce qui vous semble, vous, essentiel de mener comme combat par la parole, par votre position de savant vis-à-vis des personnes politiques ? Très, très mauvaise communication entre les deux groupes. Enfin, peut-être qu'il y a des scientifiques qui s'en sortent mieux que moi, mais moi, j'ai jamais été consulté par un politique. On se connaît pas. Je les vois qui manipulent les armes en dépit du bon sens, très souvent, dans beaucoup de villes d'Europe et dans beaucoup de pays du monde. Non, il n'y a pas vraiment de communication entre les botanistes et les politiques. Francis Allais, je crois que vous écoutiez La jeune fille et la mort qu'on entend ici sur la canopée tropicale. Alors est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous emmeniez ce genre de musique là-haut ? Pourquoi ? Non, je suis incapable de vous expliquer ça, c'est parce que je l'aime, c'est tout. Schubert en général, et spécialement ce morceau-là. Enfin, j'aime bien la musique, quoi, comme tout le monde. Rien de spécial à mon sujet. Et quelle saveur a une musique comme celle-ci quand on est une nuit sur la canopée ? Ah, ça, c'est très, très étonnant. Je remarque, mais tout le monde l'a remarqué, hein. Une belle musique, quand vous êtes en forêt équatoriale, ça prend un relief absolument étonnant. Peut-être parce que le maximum d'état sauvage, ça a un contraste puissant avec ce qu'on peut faire de plus civilisé. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr d'avoir l'explication, quoi qu'il en soit, tout le monde admire la musique en forêt. Francis Allais, quels sont aujourd'hui les grands projets scientifiques qui vous animent ? Vers quoi vous vous tournez en lien avec la botanique, en lien avec ce monde végétal qui vous passionne depuis les débuts ? Bah écoutez, j'ai pas mal de projets. Je travaille à un livre de botanique pour les enfants. Ça me paraît faire complètement défaut pour l'instant. Je fais ça avec Rosen Torquebio. J'ai aussi un projet de film botanique qui ferait le point sur toutes les découvertes récentes. Et puis, il y a ce projet de forêt primaire. Alors là, ça marche très bien. Il y a déjà une soixantaine de membres à notre association. Et on s'aperçoit que c'est très fédérateur. Et donc, il y a beaucoup de marques d'intérêt. Voilà, c'est à ça que je m'occupe en ce moment. Cette forêt primaire, où est-ce qu'elle se situerait ? Où est-ce que, idéalement, vous voudriez la voir grandir ? Alors, on n'a pas encore de site, on en est là. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça soit transfrontalier. Et ce qu'on voudrait aussi, mais ça c'est un peu un rêve, ça serait que les propriétaires forestiers soient candidats pour que leur forêt redevienne primaire. Mais je crois qu'on peut y arriver. Il suffit d'expliquer calmement ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas du tout de sanctuariser, mis sous cloche et tout ça. C'est des termes que je réprouve profondément parce que le grand public va tirer parti de ces belles forêts. Mmh. C'est intéressant de se tourner vers la Pologne. Białowieża, c'est des centaines de milliers de touristes chaque année et je crois qu'ils ont compté une moyenne de 80 nationalités par an, eh bien, je pense qu'on peut faire pareil en Europe de l'Ouest. Voilà. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre volonté et de notre suite dans les idées. Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'idée du sanctuaire et de la mise sous cloche? Parce que on pourra y rentrer et visiter. Et faire de la recherche. Voilà. Non. Les touristes seront les bienvenus. Alors, comme il faut pas piétiner le sol de la forêt parce que ça met en danger les racines, on va imaginer des visites par la canopée. On a tout à fait le matériel qu'il faut maintenant. Et puis, si je crois que vous avez participé à une exposition, j'en suis sûr, puisque j'ai vu cette exposition à Paris à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, où on peut admirer certains de vos dessins. Jusqu'à quand se tient cette exposition? Je crois que c'est jusqu'au 5 janvier. Oui, janvier. Comment vous décririez ces dessins-là et quelle place ils occupent dans votre travail quotidien? C'est un peu polémique parce que la Fondation Cartier, elle est spécialisée dans l'art moderne. Mais moi, je ne suis pas un artiste. Mmh. Un artiste ne se connaît aucune règle. Il a le droit de faire exactement ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon cas. Je m'applique à être le plus près possible du modèle. Et c'est un travail qui est pas facile. Bon, voilà, je suis pas artiste, mais je suis dans une exposition artistique. Et comment se passe ce dialogue avec ces artistes? Oh, bien, ça va. Mais voilà, c'est deux mondes différents. Pas très éloignés, hein. Il y a des aspects artistiques dans la science aussi. Mais enfin, on fonctionne pas selon les mêmes règles parce qu'un artiste, il est habilité à faire exactement ce qu'il veut. Il ne se sent dirigé que par son propre désir. Moi, c'est pas mon cas. N'est-ce pas? Je suis, comme l'a dit quelqu'un une fois, je suis manipulé par le réel. Mais c'est vrai, j'en suis fier. Qu'est-ce qui, dans le réel, vous manipule? La réalité, tout simplement. Je veux pas sortir de là. Quand je dessine un arbre, bien entendu, j'arrive pas à le représenter aussi parfaitement que j'aimerais, mais je ne supporte pas l'idée d'une contre-vérité dans mon travail. Sinon, c'est plus de la science. Qu'est-ce que c'est si c'est plus de la science? C'est de l'art, du coup? Oui, mais non, mais ça, je franchis pas cette limite-là. C'est drôle, d'ailleurs, parce que la Fondation Cartier, qui expose de l'art moderne depuis son origine, elle s'aperçoit tout d'un coup que d'exposer des dessins d'arbres, ça plaît énormément plus aux visiteurs. Une grande surprise pour eux. Merci beaucoup en tout cas à Francis Allais de nous avoir apporté pour Noël tous ces rêves, toutes ces images, tous ces souhaits aussi, souhaits pour l'avenir. On signale donc qu'il est encore temps d'aller voir à la Fondation Cartier à Paris la belle exposition « Nous les arbres » à laquelle vous avez contribué. Dépêchez-vous, donc c'est vraiment jusqu'au 5 janvier. Merci beaucoup aux équipes de France Bleu Hérault à Montpellier qui ont rendu ce duplex possible. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Alexandra Delbault, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Clément Salzard, Céline Lozen, à la réalisation Émilie Valla, à la technique aujourd'hui Jacques Azubert. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aujourd'hui les idées claires de l'ami Nicolas Martin. Aujourd'hui, ces idées claires sont consacrées à la question du Père Noël. Est-ce que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola? Et on vous souhaite à tous un joyeux Noël. Demain, dans la méthode scientifique, nous parlerons des origines des rites funéraires et de leurs conséquences sur la structuration des premières sociétés humaines. Rendez-vous demain à 16h.